Où est-ce que c'est? Les paroles. Attention. Quand je me balade dans la forêt, j'entends les petits oiseaux chanter et c'est bien. Personne ne sait que je suis un lutin. Autour des menhirs avec mes copains on dansait. Ouais. Oh ouais. Je construis ma cabane avec des branches de chêne. J'ai fabriqué une guitare avec du bois de sapin. Depuis je joue des mélodies dans mon jardin. Pour attirer des copines je me donne de la peine. Mais ça marche pas trop alors je plante des menhirs. Parce que les meufs de la forêt elles ne veulent pas venir. Oh yeah, c'est le blues de la forêt. Quand je me promène dans la forêt, j'ai rencontré un petit oiseau. Il avait une aile cassée. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Je colle son aile à l'aide d'un morceau de scotch que j'ai trouvé dans un tiroir de la commode, que j'ai fabriqué bien sûr, de la salle à manger qu'il faudrait que je range d'ailleurs parce qu'elle est sale, mais le souci c'est que je n'ai pas d'aspirateur. C'est complètement taré. Enfin bref. Je suis un lutin qui habite dans la forêt. Les animaux sont mes amis et c'est chouette. Je chante quand ça ne va pas, le blues de la forêt. Ne réfléchissez pas, la chanson est un peu bête. D'ailleurs ça se finit comme ça. Ah, je me suis pris le truc micro dans la figure.